Let's go! C'est caisse ouverte, tes slips de bain, t'es sur Russe, pas sur TF1. Verse funky et voix posée, j'arrive full bois short en toi. J'ai croisé un ours, il a pris la dalle, ballon en tôle, mais ambiance royale. View avant le chat qui spam, poah. Je pose des murs en rythme, je suis dans le tempo. Ma pioche c'est du flow, je creuse comme un pro. Ma tour elle fait le DJ, bip bip slow. Et Ryder Ski balance le mojo. Ambiance fête sauvage dans le camp. Faites ton coffre fort, j'ai looté des paillettes, même mon pompe a mis des lunettes. Entre un Covid sous pipe rouillée, l'été dans rue c'est fait pour danser. Danse du code lock, tu es de la sulfateuse, même les nous deviennent dangereux. Viewer fidèle, mets-toi bien. T'as cliqué ici, t'es plus humain. Plus rapide, rime débile, assumé. Caleçon sale et AK doré. Ma base, plus la sueur bien cramée. On crave des habits avec des rideaux. Et le frigo, et le frais du mélo. Viewer qui bulle à l'envers. Lance roquette qui part en arrière. Mais dans ce chaos organisé, y'a de l'amour et du PVC. Remixé avec des cris de viewer. Faites ton coffre fort, j'ai looté des paillettes. Même mon pompe a mis des lunettes. On danse sur les clous, on glisse sur des pièges. Ride et skill t'apprend à faire la fête en siège. Danse de la pioche, hip hop du fan. Quand t'es full stone, t'oublies le drame. Viewer fidèle, mets-toi bien. T'as survécu, t'as ton festin. Calme, chelou, puis drop des billes. Un moment de paix. Un moment de crainte. Là c'est la fête ou c'est le wipe. Avec leur ridicule les vibes électrophones qui fêtent au coffre fort, j'ai looté des paillettes. Même mon bon pas mis des lunettes. Ma team c'est des clowns mais des tueurs. On fait des saltos dans la douleur. Fêtes au coffre fort, j'ai looté du groove. On lance patate, t'apprends les moves. Russe c'est l'enfer mais ici c'est chill. Bienvenue dans la zone Ryder Skill.